L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e Avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Une entrevue que j'aime faire vers le 31 décembre, parler de la revue dans le monde du sport dans l'année qui se termine. C'est une année particulière cette année parce que c'était une année tellement bizarre que j'ai hâte de voir comment ce palmarès-là va sortir. C'est avec les gens d'Influence Communication. Habituellement, c'est toujours, on mesure le poids médiatique de chaque nouvelle et ainsi de suite. Mais là, cette année, ça a tellement été bizarre que j'ai hâte de voir comment ça va sortir. On va parler avec Jean-François Dumas. Salut Jean-François. Salut, Danny. Avant, faut toujours mettre en relief Influence Communication, c'est quoi? J'aimerais que tu en parles. Ce qu'on fait, nous, dans la vie, c'est qu'on fait la surveillance des médias. Les médias, c'est la radio, la télé, les journaux, ouais. Le web, les hebdos et les réseaux sociaux pour les clients. Donc, tous les gens qui ont un intérêt à savoir ce qui se dit sur eux dans les médias, par exemple, le gouvernement, le bureau du premier ministre, ils veulent savoir ce qui se dit sur eux. Particulièrement par les temps qui courent, c'est important, ces gens-là donc font appel à nous et on leur envoie des rapports à tous les jours. Une fois par année, on prend tous... Donc, pour pouvoir faire ça, il faut surveiller tous les médias. Et une fois par année, on prend tout ça, on met tout ça ensemble et on fait des palmarès, on publie un bilan qui est gratuit, que les gens peuvent télécharger gratuitement, qui permet de savoir c'est quoi les nouvelles dont on a le plus parlé et d'avoir différents dossiers, différents articles sur les grandes tendances dans l'actualité au courant de l'année. OK. Donc, COVID, j'imagine. Ben j'ai, oui. J'ai hâte de voir comment tu vas sortir ça. Moi, écoute, je suis un gars qui aime pas mal tous les sports, puis j'ai de la misère à sortir ma nouvelle de l'année. Écoute, j'en ai trois, mes nouvelles, puis il y en a deux que c'est des dessins. Écoute, c'est pour te donner une idée. Puis tu me vois venir un peu sur quoi, là, les deux dessins. Donc, vas-y avec ton bulletin. Bien, d'abord, juste pour que les gens comprennent, avant de tomber dans le sport, pour vous donner une idée, la COVID cette année, si on prend uniquement le matériel publié, diffusé, écrit sur la COVID au courant de l'année, qui parlait directement de la COVID, ça représente 5 fois le poids normal d'une grosse saison du Canadien, qui habituellement est tout le temps le sujet numéro 1 dans l'actualité. Donc, c'est gigantesque. Hey. 5 fois. Autrement dit, c'est 5 saisons du Canadien bout à bout en une année. Donc, c'est incroyable. On peut bien t'écœurer, ils n'entendent parler, hein? Oui, mais je ne pense pas qu'on en ait trop parlé, parce qu'il y a eu tellement de morts, et c'est tellement important, et ça a paralysé tellement notre société, c'est normal d'en parler autant. Sauf que ça fait en sorte que, évidemment, il y a un paquet de sujets qui sont tombés, déjà dont on ne parlait pas beaucoup, mais là, ils sont tombés carrément dans l'oubli. Puis j'aimerais ça que tu rappellerais que le Canadien, les autres années, ça domine, puis largement les autres sujets d'actualité. Là. Tu comprends ma question? Oui, le Canadien est tout le temps le sujet numéro un, et dans les personnes les plus médiatisées, sur les 10 premiers, il y a tout le temps au moins 2-3 personnes du Canadien. Oui. Oh mais oui. Pas cette année. Oui, c'est ça. Parce que le sport, en raison notamment du fait que la plupart des ligues professionnelles ont arrêté leurs activités. le sport n'a pas eu le tiers du poids qu'elle a normalement. Je me rappelle d'avoir entendu au 91.9 une de tes entrevues cet été, puis tu disais que la COVID, puis le Canadien, puis le Canadien était encore était tellement pas fort, même malgré la COVID. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce que tu avais fait. Même le Canadien qui était en série a eu beaucoup de misère à se carrer. Les médias, il n'y a pas eu d'engouement, il n'y a pas eu de passion pour le Canadien, même si le Canadien est en série. Fait que le hockey s'en était aussi. Il faut le dire, il n'y a pas rien que la COVID. Oui, mais oui, sauf qu'on a quand même eu une carence pendant un bout de temps, il n'avait pas de hockey. Fait que même les mordus, il n'y a pas personne qui s'est mis à triper, dire hey, le Canadien de retour. C'est pas vrai. Il y a du monde qui ont trippé, mais médiatiquement, il n'y a pas eu d'engouement comme il y a normalement. Okay. Et c'est étonnant parce que lorsqu'on s'amuse à faire le palmarès des nouvelles du sport, les plus médiatisées, pas celles qui sont les plus importantes, les plus médiatisées cette année, ben, la nouvelle numéro un, c'est le Super Bowl. Faut dire qu'avec Laurent Duvernay-Tardy, on peut comprendre qu'il y a eu un engouement. Mais ça, c'est la nouvelle dont on a le plus parlé en termes de sport. La deuxième, c'est le décès de Kobe Bryant. Ça, c'est arrivé au mois de janvier-février, là. Donc, la dernière semaine de janvier. La troisième nouvelle, c'est les Jeux olympiques de Tokyo qui étaient reportés en 2021. La quatrième, c'est les ligues sportives. Ça, c'est quand on a annulé toutes les activités. La LNH, la NBA, puis la MLS, qui suspendaient leurs activités dans la semaine du 9 au 15 mars. Et la cinquième nouvelle de sport, c'est la victoire canadienne au championnat du monde de hockey. Ça, c'est entre le 30 décembre et le 5 janvier. Le décès de Maradona n'est même pas là-dedans? Non. Et en passant, tu as remarqué que les cinq premières, à part l'arrêt des activités de la LNH, il n'y a pas de Canadien là, là-dedans. Il n'y a pas de série de la Coupe Stanley. Non. Donc, le Canadien qui, normalement, je dis tout le temps que le Canadien, c'est le meilleur javelisant dans l'actualité. Il n'y a rien qui résiste à ça. Ça passe la gratte tout le temps. Ben, le Canadien n'a même pas scoré dans les cinq premiers. Pour trouver les traces du Canadien, pour aller au sixième rang. Jean-François, c'est tout le temps que quand le gouvernement a annoncé une mauvaise nouvelle, c'est le temps pendant que les Canadiens font de quoi? Un congédiement d'un coach, une transaction majeure? C'est tout le temps ce qu'on dit, là. Et pour trouver des traces du Canadien, il faut se rendre au sixième rang, finalement, avec leur pêchage. Qui devait avoir lieu entre le 16 et le 22 juin. Fait que ça, le repêchage arrive sixième. Donc, c'est une année vraiment, pas juste en termes de sujets d'actualité, mais la façon dont le sport a été traité. Donc, le traitement médiatique accordé au sport sur le plan quantitatif et qualitatif a été différent, parce que sur le plan quantitatif, il y en a eu moins. Sur le plan qualitatif, on l'a traité différemment. Il y a certains sujets qui ont été moins pertinent, moins intéressant. Le Canadien n'a pas raflé la première place partout. Tu sais, le Canadien, normalement, peu importe ce qui arrive, est tout le temps le sujet numéro un, sujet dominant, bien, pas cette année. Mais c'est quoi? Est-ce que ça l'explique en partie les difficultés de RDS et de... Il n'y a pas juste ça, là. Il faut quand même se compter des histoires. Pas se compter des histoires, mais TVA Sports et de RDS, que tu me racontes, là. Oui, sans aucun doute. C'est pas évident d'être une chaîne spécialisée quand t'as plus ton contenu. C'est sûr. Tu peux bien faire des song and dance un peu, là, mais ça dure pas bien longtemps. Tu peux bien présenter des vieux matchs en reprise, mais ça dure pas bien longtemps. Non. Fait que les gens, je veux dire, au 91.9, là, qui font du sport à journée longue et qui particulièrement c'est du hockey, ben, quand il n'y a plus de hockey, il faut que tu sois archi... Ils l'ont été, ils ont été archi-créatifs. C'était phénoménal. Je veux dire, ils ont réinventé le bouton à quatre trous à tous les jours. Sauf qu'à un moment donné, tu fais le tour. Puis à un moment donné, l'auditoire est moins là. Puis là, on le voit actuellement, les codes d'écoute, c'est pas facile. Au moment où est-ce qu'on enregistre le podcast, Jean-François, puis le délai de diffusion, il y a 15 jours, l'Impact a annoncé cet après-midi qu'ils vont changer de nom. Et moi, je me dis que c'est une culture de football à changer. C'est pas le nom à changer, c'est une culture de football. Puis ce que tu me confirmes que Maradona n'est même pas dans les cinq nouvelles. Puis c'est une bombe, là. Maradona, écoute, c'est un des trois meilleurs joueurs de l'histoire du soccer. Et il y en a du soccer. Donc, c'est là ça prouve qu'il n'y a pas de culture de soccer au Québec. On a une culture de hockey. Puis en deuxième, on a une culture de NFL. Ça, c'est le deuxième. Bien, là. Ouais. Parce qu'on fait six fois plus de NFL que de Ligue canadienne de football. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment une bonne équipe. Oui, absolument. C'est la NFL. On aime le baseball, mais on se passionne bien moins pour le baseball que pour le football américain. le football canadien, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment bien ben d'équipe encore, mais il n'y a pas de passion. Non. Sauf les années où on a la Coupe Grey à Montréal, là, c'était pas pareil. Sauf que depuis quelques années, avec l'effondrement de l'équipe, c'est plus que jamais le foot. T'sais. Alors, le soccer, oui, avec le on a gagné dans les dernières années, l'Impact a gagné des parts de marché médiatique, mais là, depuis que Didier Drogba est parti, c'est pas pareil. Est-ce que tu comptabilises? Parce que moi, je dis qu'un des problèmes, de l'Impact, c'est qu'ils ne développent pas les régions, ils se foutent des régions. Et pour te donner une idée, les matchs sont même pas radiodiffusés. Dans le Journal de Québec et dans le quotidien, on est juste pour parler des scores. Est-ce que c'est comptabilisé sur l'Impact? Est-ce que tu es capable d'aller chercher jusque-là comment on parle de l'Impact en région? C'est un problème majeur, oui. Ça. C'est un problème majeur. En fait, je te dirais que plus de 80% de l'intérêt pour l'Impact est à Montréal. Ben, c'est ça. C'est vraiment l'Impact à Montréal. Le Canadien, c'est partout au Québec, mais l'Impact, c'est à Montréal. Mais c'est pas juste. Je pense pas que ce soit de la faute de l'Impact, parce que l'Impact aimerait ça être à la radio tous les jours. Oui, mais faut que tu... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'Impact. Oui, mais faut que tu aies créé l'intérêt aussi. Puis il faut que tu forces l'intérêt. Mais je vais te dire d'autres choses. Pour que les gens s'intéressent à l'Impact, pour que les gens s'intéressent au soccer, c'est pas juste l'Impact dont il faut parler, il faut parler des autres. Parce que même quand l'Impact joue, bien, même quand l'Impact gagne, on dirait que l'Impact joue tout seul parce qu'il n'y a jamais d'intérêt pour les autres équipes. Ouais. Il n'y a jamais de résultat. T'sais, l'Impact est en course pour faire les séries. On n'entend même jamais parler des équipes avec qui ils sont en course. Est-ce que les autres équipes auxquelles ils sont opposés ont gagné dans les derniers jours? On veut créer de l'antagonisme. Il y a une chicane entre deux joueurs, puis là, il y a des entrevues, etc. On le fait pas. Donc, c'est comme si... T'sais, pour avoir une passion pour un sport, faut qu'il y ait de l'antagonisme, faut qu'il y ait de la chicane. On aurait dû bâtir un après Drogba avec une autre grande vedette, puis l'Impact avait une bonne lancée, puis on ne l'a pas fait. Mais je ne mets pas ça tout sur la faute de l'Impact. Les médias, il y a une culture de soccer qui n'existe pas encore. Et plus que ça, c'est qu'on est très ceinture fléchée au Québec. Et là, on a corrigé ça, mais les premières années, lorsqu'on parlait de soccer, c'était généralement des Européens ou des gens d'origine européenne qui commentaient et qui en parlaient. Et les gens qui écoutaient ça, qui étaient des pas les mordus de soccer, mais les potentiels nouveaux adeptes de soccer, avaient peut-être un peu de difficulté à adhérer à un nouveau sport. T'sais, le hockey, on vient du Québec, puis etc. Donc, avait un peu de mal à passer cette barrière-là. Là, maintenant, je pense que c'est plus dans nos mœurs, sauf que ça a pris plusieurs années avant que ça soit plus naturel d'adhérer à ça. Et maintenant, des gens qui analysent et qui sont des personnes ressources en soccer, il y a des gens d'origine européenne, il y a des gens québécois, il y a des gens d'un peu partout. On a démocratisé beaucoup plus le soccer, mais on n'est pas encore à un niveau d'intérêt très, très, très, très loin derrière le hockey, même le football. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on compare le soccer au hockey, puis c'est deux sports totalement différents. Totalement. Ben oui. En terminant, j'ai enregistré un podcast cette semaine avec une vedette qui n'est pas connue du tout au Québec, mais je suis allé voir ses followers. Il est la deuxième vedette après Eugénie Bouchard active, un Québécois qui s'appelle Dave Dubuc, il est en Asie, il est vraiment très fort. Il a 800 000 followers sur Facebook qui le suivent. Ah oui. Est-ce que tu le repères dans tes. Tu n'as jamais entendu parler, hein? Moi, c'est la première fois que j'entendais parler. Puis moi. Comment s'appelle-t-il? Dave Dubuc. Il a 800 000 followers de Facebook. C'est un gars qui se bat des arts martiaux, mais mixe plus fort encore. Et moi, c'est une grande vedette là-bas, en Thaïlande, Japon et tout ça. Ça me faisait passer à Georges Saint-Pierre. Et puis je me disais, je vais me poser la question à Jean-François, si dans tout son poids média, s'il a déjà entendu parler de lui. tu me confirmes que non. C'est pas notre radar. Non, c'est loin, spécial, loin, hein? loin derrière. Tu vas voir sur Facebook, il y a 800 000 personnes qui suivent. Il n'y a que Gilles Bouchard qui le bat au Québec. C'est assez particulier, pareil. Personne ne parle de lui. Personne. En tout cas, Jean-François m'a souhaité une bonne et heureuse année. Beaucoup de santé, de bonheur en 2021. Je pense que l'année, ce ne sera pas dur à battre, l'année 2020. Fait que, puis on peut se reparler toujours en fin 2021 pour ce bilan-là. Ben avec plaisir. Merci, merci de ton appel. Merci beaucoup, Jean-François Dumas d'Influence.